cours numéro 3. نعم. فماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ يجب علينا أن نقرأ هذه البسملة للتبرك والاستعاذة بالله عز وجل. نعم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أخذنا مسألة مهمة، ما هي؟ تفضل. أيها الشيخ، إنه الله أن دعوته جميع الرسل توحيد الألوهية. أحسن، توحيد العبادة. دعوة جميع الرسل الدعوة إلى هذا التوحيد العظيم، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. من يذكر دليلا على هذا؟ عندما تفضل. أحسنت. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أبلي على هذا التوحيد، أي إذا أردني لقب d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Et ils ont mis en garde contre le shirk billah Azza wa Jal. Aïe, adorer autre qu'Allah. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah fa'awwaluhum Nuh alayhi salam huwa dinur rusul alladhi arsalahum Allah bihi ila ibadihi. Thumma qala fa'awwaluhum Nuh alayhi salam. Le premier, c'était Nuh, sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-allam al-shaykh al-bawzan, hafidhahu allahu ta'ala, kama qala allahu subhanahu wa ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal nabiyyina min ba'dih. Fadallat al-ayatul karimatu ala anna awwal al-rusuli huwa Nuh alayhi salatu wa sallam. Le premier messager, il a ahl al-ard, c'est le messager Nuh alayhi salatu wa salam. Mais comme dallat hadhihi al-aya. Et كذلك تقدم معنا في بعض الدروس حديث الشفاعة ان في الموقف يوم القيامة quand la patte sera longue le jour du jugement, بعض الناس ils décideront d'aller voir les messagers et les prophètes pour qu'ils fassent shafa'a et pour que les comptes y débutent. Quand ils vont aller voir Nuh alayhi salatu wassalam, ça yaqouloun anta awwal rasoul ila ahli al-ard. C'est le premier messager que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé pour ahli al-ard et pour les êtres humains sur terre. Hada, c'est un nas أن نوح عليه الصلاة والسلام c'était le premier messager. أما آدم عليه الصلاة والسلام فأول نبي c'était le premier نبي. وتقدم معنا الفرق بين النبي والرسول dans certains دروس. قال فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض وتتابعت بعد هذه أو وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني أي التوحيد. قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم ولا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc le premier رسول c'était Nuh alayhi salatu wasalam, et le dernier c'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu wa khatama an-nabiyyin fa min babi awla annahu c'est le dernier des rasoul. Lianna kull rasoul nabi. Chaque rasoul c'est un nabi. Enfin, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était le dernier des rasoul, et min babi awla le dernier des anbiya. وعلى كل حال دعوة هؤلاء جميعا عليهم الصلاة والسلام depuis Nuh jusqu'à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une longue période, des siècles et des siècles. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé à chaque communauté un Nabi, un Rasul. لماذا؟ كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أدعي الله سبحانه وتعالى السلام ليس كحتي الشرك. قال وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهو آخر الرسل عليهم الصلاة والسلام وآخر الأنبياء، وهذا بالإجماع. Et celui qui prétend أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي ورسول، هذا سجي كفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النصوص لبخب السنكلة. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ختم الله به النبوة، عيسى تلدغني. وكذلك الحديث الإكلاع لا نبي بعدي، لأن بعض الزائغين إذا ولوا expliquer avec leur passion, et c'est du tahrif, قوله وخاتم, ils ont voulu expliquer أن هذا سبي معنى الزينة, سبي معنى la beauté. خاتم النبيين, أي c'est la beauté des messagers des prophètes, أي c'est le meilleur عليه الصلاة والسلام. ils ont حرف المعنى, لكن الحديث لواضح. أنا خاتم النبيين, ثم التفسير du début du hadith, il est juste après la nabiyya ba'di. C'est ça l'explication de khatam an-nabiyyin. Et le dernier, il n'y a pas de messager de prophète après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال فهو اخر الرسل عليهم الصلاه والسلام واخر الانبياء لان كل رسول نبي فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي. قال فمن اعتقد أنه يبعث بعده رسول أو نبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: وسيخرج بعدي كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وإلى يومنا هذا أن بعض الدجالين يبخطون أنهم سيدي بخفات أو دي ميساجي عيادا بالله. لا شك أن سلوك يبخطون هذا أو كيصدق هذا أنه سكافر بالله سبحانه وتعالى. قال فمن لم يعتقد ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. دونك هذه العقيدة المهمة، أن أول رسول إلى أهل الأرض c'est le messager Nuh alayhi salatu wa salam. Le dernier des messagers et des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Wa huwa afdaluhum bil ijma'. Et c'est le meilleur des prophètes alayhi salatu wa salam. Qala arsalahu Allah ila qawmihi lamma ghalu fi s-salihin. Arsalahu Allah ay arsala Allah Nuhan. Al-dhamir revient à Nuh. Fa awwaluhum Nuh alayhi salam arsalahu Allah ila qawmihi. أي الله سبحانه وتعالى إلى أنبوي نوح أصنفه. لماذا؟ لأنهم وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال لما غلوا في الصالحين. قال الشارح حفظه الله تعالى: الغلو هو مجاوزة الحد. يترجم بار إكزاجيري، ديباسي لي ليمي. فهؤلاء غلوا في الصالحين. الصالحون في الإسلام ils ont un حق عظيم، que ce soit العلماء، que ce soit العباد، ceux qui font des efforts في العلم، ceux qui font des efforts في العبادة، الصديقون، المجاهدون، الصالحون، من باب أولى الأنبياء والرسل، هؤلاء ils ont un حق عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والموحد السني خاصة سيل على علم، فإدنغى أشكال ذو هؤلاء له حق. لكن dépasser les limites، c'est ça le غلو. Al-Ghulu, c'est wahid Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un haq, et tu trouves un autre, il dépasse cette limite. Et yaqa' fi al-Ghulu, il exagère. Fa madalan haqqu al-salihi, c'est les respecter, les aimer fillah, nusratuhum kadhalik, les secourir s'ils ont besoin d'aide, si quelqu'un veut leur faire du mal, al-wala fillah, les prendre comme alliés. Voilà, si c'est des savants, s'ils ont du ilm, fanastafid minhum, si c'est des prophètes et des messagers, et on a cette aqida annahum c'est des messagers et on les suit, on a taqid annahum ils sont ma'soumoun, c'est pour ça qu'on prend tous deux. Et si c'est un savant, on l'aime et on le suit tant qu'il suit ad-dalil, s'il se trompe, on n'a pas à le suivre. Ah, c'est ça, donner le haq à haoula, al-akhiyar. أما dépasser les limites, عيادا بالله, c'est très très grave. وتقدم معنا كتاب التوحيد أن من أعظم الأسباب, parmi les plus grandes causes qui ont poussé بعض الناس à faire du shirk, à contredire leur tawhid, à annuler leur islam, c'est l'exagération. وهنا نستفيد أن وهذا الباب في الحقيقة تقدم معنا في كتاب التوحيد l'histoire du peuple de Nuh. Et استفدنا في كتاب التوحيد ولله الحمد أن هؤلاء سلبهم. أما بين آدم ونوح إذا تتوس على التوحيد ثم عياذا بالله وقع الشرك في قوم نوح في هؤلاء. قال والغلو في الصالحين هو اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله. C'est pour ça que tu trouves أن الخرافيين القبوريين من الصوفية والروافض ومن تأثر بهم يسألون هؤلاء même après leur mort, عياذا بالله. C'est pour ça que tu trouves le بعض, ils voyagent pour toucher la terre, cette terre dans laquelle ce صالح a été enterré. لماذا لأنهم يعتقدون, ils ont cette conviction أنه ينفع من دون الله سبحانه وتعالى أو قد يضر من دون الله عز وجل. Et ça c'est très très grave, c'est ça عين الشرك. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a interdit. Amma al-wahid, il a cette aqida an celui qui peut te donner un bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou te retirer un bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui qui a tout décrété, c'est lui qui a tout créé. Amma al-bashar, même s'il a atteint au niveau de l'ilm ou de salah ou de l'istiqama, ça reste une créature va'ifa. Qala wa waddun, aïe, قال إلى آخره, ستأتي هذه الأسماء أي أسماء هؤلاء الصالحين, ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. يا الله سبحانه وتعالى إذا سيتي في سورة نوح, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا. الله سبحانه وتعالى إذا سيتي في القرآن الكريم, فهؤلاء الزم. قال الشيخ البوزان, هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا في عام واحد. C'était des hommes pieux qui vivaient à l'époque de Nuh. Ça faisait partie du peuple de Nuh. Et ils sont morts. La même année. قال فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا. Ça nous montre أن الحزن, la tristesse. Si un musulman ne fait pas attention, cette tristesse elle peut le pousser à dépasser les limites. Comme les gens يقعون في الذنب أو المخالفة à cause de الحزن, à cause de la tristesse. وهكذا في المقابل الفرح. لماذا لأن كثيرا من الناس ils avancent, ils marchent, leur mizan c'est العاطفة, c'est les sentiments. Quand ils sont heureux ou ils ont un excès dans le bonheur, بعضهم ils s'égarent. Et comme on a déjà cité Kathina Ma'akoum, prends l'exemple des mariages. Il y a beaucoup de mukhalafa, de bida', de ma'asi. لماذا لأن الناس يفرحون, ils s'autorisent à faire ces choses. ثم, après cet excès, après cet instant, بعضهم ils regrettent, si tu le conseilles, ils l'acceptent. Lakin sur le moment, avec le bonheur, ils se laissent aller, ça le pousse à commettre des erreurs. وَهَكَذَا الْحُزْنِ. Et tu as un exemple, Fihaoula. Quand ils sont morts, هؤلاء الصالحون فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا, ils ont été très tristes. Et être triste par la mort d'un صالح خاص, c'est un savant de la sunna qui fait du khayr, je sais que c'est un bon signe, علامة خير, mais on fait attention à ne pas exagérer. لماذا لأن الحق il était avant ce savant et il sera après ce savant بإذن الله عز وجل. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdal al-bashar, il est mort. Innaka mayyitun, qala azza wa jalla, wa innahum mayyitun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a une aqida, il est mort, alayhi salatu wa sallam. Wa ma'a hada dinullah baqi. لا تزال طائفة من أمتي على الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم. Quand un savant de la Sunna ou un salih meurt, là chacun on éprouve de la tristesse, lakin sans dépasser les limites. لأن الحق c'est Allah سبحانه وتعالى qui décide que un tel ou un tel il le propage. Et si واحد meurt, ça ne veut pas dire que le bien il s'arrête ou la vérité elle ne sera plus propagée. Là, ça fait partie de l'exagération. Là, ils ont été tristes et تأمل ماذا فعل. قال فجاء الشيطان إليهم. تستفيد من هذا أن en période de faiblesse, la tristesse, ou en période quand l'insan n'est pas dans son état normal, l'énervement, la tristesse, la joie, يحذر من إبليس. Fais attention à إبليس dans ces moments. وهكذا العدو. Chaque ennemi, que ce soit من شياطين الإنس أو الجن, il profite toujours d'un moment de faiblesse. Quand une scène, il est fait rafle. Imma à cause d'une joie excessive, imma à cause d'une tristesse. Enfin, Shaitan, quand il a vu que Ha'oula, ils étaient dans cet état, Ja'ahum, il est venu. Qala fa ja'a Shaitan ilayhim wa qala lahum sawwiru sourahum wa ansubuha ala majalisihim min ajli an tatadhakkaru ahwalahum fa tanshitu ala al-ibadah. Fa ja'ahum an tariq an-nasiha. Donc le shaitan, sous apparence de nasiha, va te stavid, akhil karim, surtout à notre époque, anna laysa kullu nasihin, anna hu il parle bi haq, ou il te veut le khir. Ba'duhum yansah, lakin pour sa maslaha albi. Ba'duhum yansah pour t'égarer. Et ils appellent cela nasiha, ou la nasiha à la base c'est du khir. Lakin fais attention, c'est pas chaque nasiha aïe. Une parole ou un livre ou un audio qui a une forme de nasiha, annahu forcément c'est du khayr. Là, Iblis, adoullah, il a prétendu que c'était une nasiha. Pour lui, c'était un conseil, lakin pour les égarés. Ahzar, nasiha, on l'apprend min ahl al-ilm. Tu veux être conseillé, écoute les conseils de ahl al-ilm. Écoute les conseils, qabla dhalik, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'ammal fil Qur'an al-Karim. Et reviens au savant de la sunna de ton époque. Enfin, comme nasahou, dans tous les domaines tu trouves des nasahih, ben, il y a des kutub qui ont été rassemblés, des nasahih, al-a'imma, al-ulama. Des nasahih fi tawhid, des nasahih fi l'aqidah, des nasahih fi talab al-ilm, des nasahih sur le mariage, des nasahih comment faire la salat, comme. Et les livres des savants, c'est des nasahih, c'est des conseils. Pourquoi ils ont écrit tous ces livres? Que pour conseiller al-umma. Et hadar de ne pas écouter les conseils de n'importe qui. Comme minannas, une haravu, ou zaru, ou ils se sont trompés, ou ils ont perdu du temps, ou ils se sont fait du mal à eux, ou aux autres, à cause d'un mauvais conseil. Surtout à notre époque. L'imad, on vit une époque, al-wara, il est qalil. Al-wara, c'est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est qalil par rapport aux générations précédentes. Là, tu trouves le wahid. تعلم مسألة ومسألتين أو إذا commencé à apprendre à lire ou à écrire et ربما يتكلم كثيرا ويتوسع et il veut conseiller et il rentre dans des choses qu'il ne maîtrise pas, ربما il conseille un frère et ça lui fait beaucoup de mal. On fait attention à ça. Chaque musulman il doit faire nasiha, lakin on doit connaître notre place. La nasiha dans une chose qu'on ne maîtrise pas, l'imam, c'est plus une nasiha, ça va faire du mal. Même si ce insan il a fait une nasiha. Et ta'ammalou, hada le fi'l de Iblis. Nasiha, pour pas les oublier. Qu'est-ce qu'il les a conseillé de faire? Qala Cheikh al-Fawzan, qala lahum Iblis, sawwiru suwa'ahum. Et représentez-les. Andor, nasiha en apparence, c'est pour leur bien. Vu que vous êtes tristes, pour ne pas les oublier, faites des représentations de waddun wa suwa' ila akhiri, ces hommes pieux, pour ne pas les oublier. Les malades, les Allahoum, ils ont un droit sur vous. Ils ont fait beaucoup de bien. Ils étaient aimés par tout le monde. Enfin, pourquoi les oublier? Et les gens, ils ont suivi. Est-ce que c'est une nasiha d'une personne qui veut du bien à son frère? Ce salih, tu fais du'a pour lui. Ce salih, tu l'aimes, fillah, même après sa mort. Et tu fais du'a pour lui. Et كذلك, كما تقدم معنا, la kalima qu'on avait fait pour les nasihah, comment être utile si un de tes proches y décède, Et on avait cité beaucoup fi hadha al-bab. Mathalan, tu prends soin de ses proches, tu prends soin de ses enfants. S'il a délaissé un ilm, tu le propages. S'il a délaissé quelque chose de neuf, une sadaqa jariya, tu en prends soin. Voilà, c'est comme ça. Être utile pour haoula. Amma le représenter, aïn al-fa'ida. Aïn al-fa'ida. Bel, il y a un varar azim. Et minhuna, on comprend la gravité des représentations. Que ça soit sous forme de statuette, que ça soit à la main, que ça soit avec les nouveaux appareils. C'est très très grave. Khassatan, pour représenter l'ulama, as-salihoun. Ceux qui ont un rang fil umma. Wa sayadkul hada, Cheikh Lozan, waffaqahullah. Qala, sawwiru suwarahum, wa ansibu ala majalisihim. من أجل أن تذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة جاءهم عن طريق النصيحة أي représentez-les pour ne pas les oublier et حتى vous les prenez comme modèle et vous faites des efforts في العبادة انظروا النصيحة النصيحة en apparence c'est pour que vous adoriez Allah سبحانه وتعالى أكثر لكن الخبيث son but c'était de les faire tomber في الشرك بالله سبحانه وتعالى donc on fait attention. Wahadi, il te conseille en apparence du khayr, si c'est un mouftil, fais attention. Falihada, ulama, on a. Depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui, ils nous interdisent d'écouter Ahl al-Batil. Fais attention, même s'il prétend, annahu, c'est pour ton bien. Iblis, il a prétendu que c'était pour leur bien. Fir'aoun, il a prétendu que c'était pour le bien de sa communauté. Même il mouftil, il prétend que c'est pour le bien. Tavon antana mouftil. Que ce soit min a'immat al-kufr ou a'immat al-bid'a. Quand il veut égarer les autres, il va dire je vais vous appeler à votre perte. Je vais vous appeler à l'égarement. Abadan. Abadan, en apparence, il leur dit qu'il va appeler au khayr, au bien. Si c'est un munharif de cette umma au Qur'an, à la sunna, il a akhiri, ihdar. C'est pour ça que les ulama, ils ont mis en garde contre ha'oula. Et la nasiha, en apparence, c'est du khayr. Wa haqiqatuha, c'est du shar. Qala. وهو يريد لهم الهلاك فخدعهم بهذه الحيلة واعتبروا هذه وسيلة صحيحة لأنهم تنشط على العبادة. Ils ont pensé que c'était une bonne solution. Ça va leur permettre de ne pas les oublier, de les prendre comme exemple et de faire des efforts comme eux. Et comme ces pieux qui sont morts, ils ont fait des efforts. فهم كذلك avec ces représentations, ils vont faire des efforts. لكن on ne fait pas des efforts avec le mukhalafat. Ça nous montre, et c'est une faïda azima, si tu veux faire, fais des efforts, fais dinillah, fais attention de ne pas prendre une voie qui khalif sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même si en apparence tu penses que c'est du bien. Mathalan, si on prend un exemple, l'apprentissage. Si cette méthode pour apprendre, c'est du haram, là t'avon anna tu avances. Même si en apparence tu avances au départ. Si c'est du shar, dans le ma'asiyah, dans le bid'ah, il n'y a pas de barakah, il n'y a pas de lien. Celui qui veut avancer, فَيَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى et tu verras les fruits. Même si tu avances peu, tu verras que barakah, avec la régularité, tu verras jour en jour, tu avanceras. Amma avec le mukhalafat. Mathalan, étudier chez un munharif, un mubtadi'. Même si tu penses que tu avances dans la langue arabe, même si tu penses que tu avances dans le hivre, wallahi, c'est pas une méthode. Peut-être que tu vas avancer, tu vas maîtriser la langue arabe et tu auras perdu ta aqidah. Peut-être que tu auras mémorisé le Coran, lakin tu auras une aqidah de Ash'ari, ou de Soufi, ou de Shi'i, ou de Mu'tazili, iyadam billah. Vaut mieux être un sunni à la jahl et ne pas connaître grand-chose et être à la haq, qu'être un hafid Coran, un Mu'tazili, ou Soufi, ou Shi'i, iyadam billah. On fait attention, on préserve. Cette ni'ma, on a un exemple fait à ce genre d'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala zakara mitla hadhihi al-qisas fi al-Qur'an. C'est une ibra. Mou'idha pour nous. Pour qu'on tire des leçons. Léanna, on n'est pas à la voie. Qala, fa hadha fihi al-tahdhir min fitnati al-suwar wa fitnati al-ghulu fi al-salihin. C'est pour ça que al-mu'allif rahimahullah, Sheikh al-Islam, il a cité ces deux bab fi kitab al-tawhid. Bab ma ja'a fi al-musawwirin et un autre bab anna sabab kufr bani adam c'est fi al-ghulu fi qubur as-salihin. Ça fait partie des deux grandes causes, des deux principales causes ayyadan billah, qui ont poussé plusieurs personnes, des oumam, à faire du shirk. Limana li anna hadhihi as-sura, même celui qui l'a prise au départ, rubbama huwa yassi, il sait qu'il ne faut pas l'adorer, il ne faut pas exagérer. Lakin al-ajyal, les générations qui vont venir après, rubbama yaghtarrun. Limana fulan il a été représenté. Pourquoi? Parce qu'il a un haq, parce qu'il a tel statut. Thumma s'ouvre des portes au shirk, exactement ce qu'il s'est passé à ce qawm Nuh. Qala وهؤلاء نظروا لمصلحة جزئية ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من المفاسد فالإنسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل et ça c'est une فائدة qui te sera utile à l'écrire. Quand tu as une chose, خاصة les choses importantes, fais attention de ne pas regarder que d'un œil. Tu regardes que le maslaha et tu oublies tous les méfaits de cette chose. Prends l'exemple de l'alcool. Si tu regardes que la maslaha du commerce et la akhirah, fa'yadun billah qad tahlak. Peut-être que ça va te pousser à acheter ou à vendre ce genre de choses. Mais si tu regardes al-mafasid, si tu regardes al-mafasid, les méfaits de cette chose, ça peut te ruiner, ça peut t'égarer, ça peut te faire commettre une chose de très très grave, fa'yadun billah. Dans ce cas-là, tu vas peser al-masalih ou al-mafasid. Et le pour et le contre, les avantages, les inconvénients, et tu verras que tu trouveras un délire que c'est interdit. Les malades, notre dîne, il est venu pour nous préserver, nous écarter des choses mauvaises et nous apporter les bonnes choses. Fahaoula, pour revenir à Haoula, ils ont regardé une maslaha. C'est laquelle? Indaman, ma hiya al-maslaha allati araduha, indak. نعم تذكير هؤلاء الصالحين نبال زولي كذلك تنشيط في العبادة سموتيفي بور العبادة سي المصلحة سموتيفي بور العبادة لا شك سان بيان لكن با دو سيت مانيير أما المفاسد الإكزاجيراسيون الشرك عياذا بالله. قال الشيخ حفظه الله فالإنسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل قد يقول قائل لكن كومو أون في. Peut-être que nous, on n'a pas d'ilm. Même la chèque. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas d'ilm. Il faut revenir aux ulama. Celui qui veut savoir une chose, est-ce que c'est un bien pour lui ou c'est mauvais pour lui, il faut revenir à ahlul ilm. Amma vouloir comprendre les choses seul. Ah, certains, on parle dans les sujets importants. Ou revenir à un ignorant, à un wahed qui n'a pas les capacités, c'est une cause d'égarement. Comme il y a, ils pensent que cette chose, c'est un bien pour eux et c'est un mal. أحيانا يا أكون مصلحة يا بعض الجهال يبونس كيان بيا أحيانا نعم يا إن مصلحة لكن سبوس أمال إيه نعم. تأملوا ما يتعلق بالانتخابات dans certains pays certaines personnes ils ont voulu utiliser ce moyen pour améliorer les choses. مثلا un pays a des élections et pour pas que un tel من الناس soit élu il décide de voter les anna yun maslaha. Chaque anna d'un côté, il peut avoir une maslaha. Lakin, quand tu regardes, al mafasid ils sont akthar. Limada, les anna rubbama tous ses efforts et had al insan, il n'arrive pas à prendre le pouvoir. Ou ça pousse à s'entretuer. Comme hasala fi ba'd al buldan. Annahum ils ont voté pour un tel et ils sont, le parti il est vraiment passé. Ils n'ont pas voulu, ils ont bloqué les choses et ça a fait une fitna azim. Des centaines de milliers de morts, iyadam billah. Ça nous montre qui c'est qui va regarder cette maslaha. C'est Ahlul Ilm, Ahlul Basira, ils voient très très loin. Tu vas lui parler des élections, mais ça y a quoi? Et ma ça y a quoi? Il n'y a rien de mal. Il ne connaît pas Hadi Masa'il, il ne verra pas le mal. Aslan. Et tu peux trouver un autre cas. Ils vont dire laquelle un cheikh un tel il a dit. C'est pas ça l'ilm. L'ilm c'est de regarder la situation et que d'aller prendre des leçons du passé. Est-ce que un qawm min al muslimin, un parti min al muslimin, ils ont réussi à faire du khayr avec les élections? Prends l'exemple de deux pays, ce qui s'est passé en Algérie. Ça a fini des milliers de morts alors que l'ulama nasahouhum. Ne rentrez pas dans la politique, ne faites pas de parti, ne vous représentez pas. ils vous laisseront pas. Ils se sont entêtés, ça a fini en guerre civile. Et t'amal ma hasala fi Misr. Anna l'ikhwan, ils sont passés au pouvoir, ils ont promis l'akhiri, ils sont passés au pouvoir. Et quelques mois, un, deux ans après, ça s'est fini comme ça, c'est fini comme à Talib. Le président, il a été déchu et fitna adim. Mais là, c'est pas ça la solution. La solution, c'est quoi? C'est tarbiyatu al-umma ala hada tawhid. التصفية قبل التربية وكما تقدم معنا لدرس خزنا وبعدتو غبت هذا مهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ثم أهلك قوم نوح أو ثم أهلك قوم نوح بالطوفان فاندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية. قبل ذلك أن هؤلاء qui les ont représentés au départ ils les ont pas adorés كما في صحيح البخاري تقدم معنا في كتاب التوحيد لكن ils sont morts هؤلاء qui ont fait sa représentation ثم les générations d'après ils ont trouvé ces représentations فعبدوهم من دون الله. انظروا الشيطان عدو الله comme il voit loin. Il a su que هؤلاء ils n'allaient pas adorer directement لكن il a préparé le terrain pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ils ont adoré ces représentations عياذا بالله. قال الشيخ الفوزان ثم أهلك قوم نوح بالطوفان واندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي وكان له سلطان في الحجاز. أي une longue période après الله سبحانه وتعالى إلى شتي قوم نوح بالطوفان. Et l'histoire elle est citée كثيرا في القرآن. Ils ont été noyés et Nuh et certains mu'min qui étaient ma'a, ils ont été sauvés. Thumma, des générations après, هذا الملك من ملوك العرب عمرو بن لحي الخزاعي عياذا بالله, il va repropager هذه الأصنام. قال الشيخ حفظه الله وكان في أول أمره رجلا ناسكا على دين قومه ولكن ذهب إلى الشام للعلاج فوجد أن أهل الشام يعبدون الأصنام فدخل في فكره هذا الشيء فجاء إلى أهل الحجاز والجزيرة فدعاهم إلى الشرك وجاء الشيطان فأرشده إلى مواطن الأصنام التي كانت تعبد عند قوم نوح والتي سفع عليها الرمل بعد الطوفان فحفرها ونقب عنها فاستخرجها ووزعها على أحياء العرب فانتشر الشرك من ذلك الوقت. هذا الملك عمرو بن لحي الخزاعي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال انه الا في النار الا في انفير. هذا عمرو بن لحي الخزاعي celui qui a propagé هذا الشرك. Il a retrouvé ses idoles, ses représentations qui étaient adorées min dounillah et les a propagées في الجزيره, جزيره العرب, alors qu'ils étaient à la dîn ibrahim, à la tawhid. Et il a propagé al-Asnam fa'ubidat min dounillah jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu. C'est pour ça que Kuffar Quraysh ils adoraient des statues. Aïe bi sabab da'wat hadha ar-rajul. Et ta'amal les deux causes qui ont poussé hadha ar-rajul iyadan billah à propager al-shirk. Qala al-shaykh hafidahullah wa kana fi awwal amrihi rajulan nasikan 'an 'ala din qawmihi. C'était un nasik, un abid. Un abid, il faisait beaucoup d'ibadah, mais il était à la jahl. C'était pas un alim. Il connaissait pas din Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ça nous montre que l'ibadah seul, ça ne suffit pas. On fait attention de ne pas faire beaucoup d'efforts pour l'ibadah en délaissant l'ilm. Ça, c'est une grave erreur. T'amal hal al-Nasara. Annahum, c'était des ubad, ou anharafu à cause de leur ignorance. T'amal. حال عمرو بن لحي هذا الخزاعي وتأمل حال كثير من الناس أنهم يستقع لماذا؟ لأنهم يدندوا لأمبورتنس العبادة sans faire d'effort dans العلم. العبادة اللي فوندي sur العلم. Comment tu vas adorer Allah سبحانه وتعالى si tu ne sais pas comment faire? إما des inventions, إما des ajouts, إما des déformations, إما des manquements. أما celui qui est à العلم même s'il fait moins d'adoration que هذا العابد il sera à la khayr. Et le matlour, c'est de rassembler les deux. Ilmun wa ibadah. Ça, c'est la première cause, al-jahl. La deuxième, قال, ولكن ذهب إلى الشام للعلاج. La deuxième, c'est se mélanger avec le mushrikin. quand il est parti fait Cham. Cham, c'est l'actuelle Syrie. La Syrie, la Palestine, le Liban, cette région. Cham. Falamma dhahaba hunak, quand il est parti hunak, lil ilaj, pour se soigner, fa wajada anna ahl al-Sham ya'buduna al-aslam. Wa ta'athar. Il a trouvé ce peuple qui vivait fait Cham, ils adoraient les statues. Fa yadam billah, shaytan, il lui a embelli cette chose. Et il a eu cette idée de ramener certaines de ses idoles de ses représentations fil de zira. Comme il en a, quand ils voyagent, il y a ta'atharoun. Bardoum, ils emmènent des souvenirs, bardoum, ils emmènent une pratique, bardoum, ils emmènent une coutume, bardoum, ils ont vu quelque chose et ils le refont et ça se propage. C'est pour ça que se mélanger avec le shor, le kufr, le ilhad, vivre avec eux, même le simple fait de voyager, ça peut être catastrophique. Et tu as un exemple. Avec Had al-Rajim. Amma vivre, grandir, fréquenter leurs écoles, Iyadam Billah, manger avec eux, c'est khatir jidda. En général, la yaslam al-insan illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout celui qui sait. Amma celui qui ne sait pas, c'est moins grave. Amma celui qui sait, c'est très très grave. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa salam. قال وكانت هذه الأصنام الموروثة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة 360 صنما اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هي أكبر الأصنام. Et ça, ce passage est important. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, il a résumé. Il a résumé l'origine du shirk. Donc l'origine du shirk, on résume. À l'époque de Noé, alayhi salatu wassalam, on a certains pieux, ils sont morts, ils les ont représentés, et des générations qui sont venues après, ils ont adoré alayhi al-asnam. Thumma, des générations après, alayhi al-shirk, il est rentré hatta fi al-jazira. Thumma, on résume kathiran, thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tout le monde, pour avertir la dernière fois contre Had al-Shirk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a révélé Al-Qur'an Al-Karim. Tout ça, ça nous montre anna aslu ou anna asla da'wati haoula al-Rasul, c'est quoi? Da'wa ila tawhid, depuis l'époque de Nuh jusqu'à l'époque de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et kadhalik mettre en garde contre الشرك. قال ود وسواع ويغوث ويغوث ويعوق ونصر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui a détruit ces idoles qui se sont retrouvées à Mecca. قال كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الوثنية أي حال العرب أمر بن جبر صلى الله عليه وسلم ستدع عيادا بالله مشركون وثنيون إذا بغي الأوثان لزيدان. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السمحاء ودعاهم إلى التوحيد بمكة. بقي ثلاثة عشرة سنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام. فاستجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة. وهذا تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبلي أس التوحيد la période quand il était à Mecca pendant 13 ans. Et كذلك في المدينة, لكن في المدينة il y a eu des autres choses. لكن à Mecca c'était exclusivement, ou la plupart c'était sur هذا. الأمر بالتوحيد أميز أن قعد كنخ الشرك. قال ثم إن الله أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد وصاروا يغزون المشركين. هذا الفصل تقدم معنا في الأصول الثلاثة. On avait retiré une faïda عظيمة أن le but de الهجرة c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hijra, c'est pas pour faire du commerce. Al-Hijra, c'est pas pour forcément améliorer son niveau de vie fi dunya, ou pour faire un projet, ou pour se marier. Là, Al-Hijra, fisabilillah, c'est pour appliquer son dire. Vu qu'à Mecca, ils ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ne pouvaient pas appliquer leur dire, hein, ils ont fait l'Hijra. Al-Hijra, baqiya ila taqum as-sa'a. Comme akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le but, c'est le même. Celui qui ne peut pas appliquer son dîme dans un pays, il doit se déplacer. Et le but, c'est de pouvoir appliquer son dîme. Ce passage nous montre un al-asl, c'est tawhid. Avant de parler de jihad et autre chose, il faut haqqaq hada tawhid. C'est la base. Amma ba'd al-juhal, il parle de jihad layl wa nahar. Et ربما ils connaissent pas معنى لا إله إلا الله. فمثل هؤلاء يخذلون. La da'wa al-rusul elle est fondée sur tawhid. Et si on حقق التوحيد, tout le reste viendra بإذن الله عز وجل. قال إلى أن جاء في السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة فاتحا وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا cette courte période. مكة qui était la base de Quraysh. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de Mecca. Ils l'ont chassé. Et ils ont fait souffrir ses compagnons et l'akhiré seulement 8 ans après. Huit ans après, ils sont revenus de Medina à Mecca et ils ont réussi à reprendre Mecca. Limada, li'annahum, ils ont été éduqués à la hada tawhid al-azim. Fanasrahum Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sans tawhid, 8 ans, 80 ans, wazid, les gens ne seront pas prêts s'ils n'ont pas été éduqués à la hada tawhid al-azim. Qala, wa inda dhalik, kasra hadhi al-asnam allati hawla al-ka'bah, wa ghassala al-suwar allati fi jawf al-ka'bah, wa arsala ila al-asnam التي حول مكة اللات والعزة ومنات من الصحابة من كسرها نعم يدي أحاديث صحيحة في هذا إلى أنبوي علي رضي الله عنه ويدوت pour détruire les célèbres idoles اللات والعزة ومنات et النبي صلى الله عليه وسلم il a détruit de ses propres mains à مكة qui les ces statues qui étaient autour ou à l'intérieur de la Kaaba. قال ومنها صور هؤلاء الصالحين من قوم نوح وانتشر التوحيد واندحر الشرك ولله الحمد. لكن تأملوا cette immense période الآن. الشرك il a commencé à l'époque de Nuh. هكذا ça s'est propagé dans l'umam. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حارب الشرك. كثير من الناس sont revenus après lui. ثم هكذا c'est revenu. Notre prophète صلى الله عليه وسلم, Allah سبحانه وتعالى l'a envoyé, il a combattu هذا الشرك. ثم ça s'est repropagé après sa mort. لكن الله سبحانه وتعالى même après la mort de notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم il envoie ou il facilite plutôt à des savants, c'est pas des messagers, ils sont pas envoyés, ils ont pas reçu la révélation, لكن il propage la da'wa du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله الشرك quand il a commencé sa da'wa, الشرك il était revenu à Mecca ou المدينة. بعض الناس يفزدوا الشرك مكة يزادوا غير الطنب إلى آخره بيان أبخي أبخي الأمر للبروفة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإمام المجاهد إلى أبلي أسد دعوة عظيمة إلى مي أنقعد كنت خشر الحمد لله إلى يومنا هذا سو بلاد المملكة العربية السعودية يسون على التوحيد يزابلوا التوحيد يزنسن التوحيد dans les écoles partout وحصل خير عظيم. Et نستفيد من هذا أن si y a du shirk, on doit faire des efforts. On baisse pas les bras. Et la coule là, tout le monde le fait, ou la plupart des gens ils font, ou la plupart des gens ils comprennent pas, et on pense que c'est impossible. Iyadam billah. Là, on doit toujours avoir cette aqida أن الله سبحانه وتعالى il est على كل شيء قدير. أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. أن الله سبحانه وتعالى يمكن لعباده الموحدين الصالحين فقط نحن نضعف لكوز. Et la première cause qu'on doit faire, c'est apprendre. شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب avant de faire cette دعوة عظيمة il a fait des efforts في العلم, il a voyagé, il est parti في الشام أو il est parti في العراق, il a voyagé à مكة وأخذ من علمائها. Et il a écrit des livres, Kitab Tawhid, Kashf Shubuhat, et il a eu des élèves, et il a fait des efforts, Hatta nassara Allah subhanahu wa ta'ala, ça se fait pas un jour. Et ça se fait pas avec le qil wa le qal, des simples paroles, là. Jid wa ijtihad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka où qu'il veut. Qala, wa hadha ma'na qawl al-shaykh rahimahullah, kasara suwar ha'ula al-salihin, wa dhalika yawm fathi makka, wa tahara Allah bihi haramah al-sharif min hadhihi al-asnam. Wa lillahi al-hamd. Et il n'y a plus de ces idoles et ces statues fi al-haram fi Mecca wa lillahi al-hamd. Qala wa imtada at-tawhid min bi'tadhihi sallallahu alayhi wa sallam wa ahd al-khulafa ar-rashidin wa ahd al-qurun al-mufaddala kulluha khaliya min ash-shirk. Falamma intahat al-qurun al-mufaddala intashara at-tasawwuf wa at-tashayyu'. Vous avez remarqué que ça se répète. Al-anbiya, ils font un jihad azim et Allah subhanahu wa ta'ala yutahhir telle bilad ou telle contrée, telle région, min al-shirk, mais sabab da'wat al-anbiya, thumma ça revient. Thumma tu trouves un autre nabi, il fait ce jihad, il a akhir. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le plus grand jihad. Et il a montré le tawhid, il a mis en garde contre le shirk. Et da'wat tawhid, elle s'est propagée, lakin, au bout de quelques générations, après la période des salafs, deux groupes égarés, ils sont apparus. Le premier, on l'a étudié ensemble, walillahi alhamd, c'est le groupe des Rawafid, Shia. Et le deuxième, ça sera un de nos prochains cours, inshallah, sur les sectes en islam, sur le groupe de As-Soufiyya, At-Tullab. Ces deux groupes, Shia et As-Soufiyya, ils ont propagé shirk après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, iyadam billah. Et après la période de As-Salaf. Qala, وعند ذلك حدث الشرك في الأمة بعبادة القبور والأضرحة والتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا وهذا الشرك موجود في الأمة ولكن قيض الله جل وعلا من يقيم الحج على العباد من الدعاة المخلصين ويهدي الله على أيديهم من أراد الله هدايته. C'est pour ça que Cheikh al-Islam il a écrit ce livre. لأن هذا الشرك qui s'est propagé à cause de هؤلاء الصوفية والروافض الشيعة. C'est plus l'adoration des statues, comme à l'époque de Qom Nuh ou Kuffar Quraysh. Là, l'Inde s'est centré sur Al-Qubur. Ils ont des choubas. Parmi leurs choubas, et c'est la cause pour laquelle Cheikhoul Islam il a écrit ce livre, parmi leurs choubas, ils disent, ah là, c'est pas des statues. Kuffar Quraysh, ils adoraient des statues. La tour Uzza il a appelé. Mais ils disent, nous, là, on n'adore pas de statue. Là, c'est un salih qui est enterré. On n'adore pas une statue. Yaqulun hakada. Et Cheikhoul Islam, il a écrit ce livre pour leur répondre. Et Inch'Allah, ça y a-t-il ma'ala des réponses qawiyya fi hadha al-bab. Qal wa hakada yanbaghi wa yajib ala talabat al-ilm wa ad-du'at an yahtamu bi hadha al-amr. Wa an yaj'alu da'wat at-tawhid wa inkar ash-shirk wa dahf ash-shubuhat min awwaliyat awlawiyat da'watihim fa hadha huwa al-wajib wa hadhihi da'wat ar-rusul alayhim as-salatu was-salam li anna kull amrin yahun dun ash-shirk fa madama ash-shirk mawjudan fa kayfa tunkir al-umur al-ukhra. Hadhihi nasiha jamila. Ay ce bref rappel, ce résumé historique depuis l'époque de Nuh, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la période de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et après, jusqu'à nos jours, tastafid minhu fa'idatan 'azima, an la base de ta da'wa, ça doit être l'apprentissage du tawhid. Et que d'aller connaître shirk pour mettre en garde. C'est ça le but. C'est pas min al-hikma de délaisser l'essentiel et d'apprendre autre chose. Comme a dit Cheikh Bouzan, le shirk c'est le plus grave des péchés. Ça annule les œuvres. Celui qui meurt sur Ash-Shirk al-Akbar, il rentrera jamais au paradis, donc il est en enfer. Ses œuvres, elles sont vaines, elles sont annulées. Allah, il ne lui pardonne pas. Iyadam billah, c'est Akbar al-Zalimin. Mouhim, c'est Akbar wa A'zam al-Zum. Comme Akbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si un, Iyadam billah, il ne connaît pas هذا الشرك, et il le fait, ma hiya fa'idatu sa salat, ou son hajj, ou son siyam. Ou مثلا il va délaisser le mensonge, ou il va délaisser l'injustice envers les gens. Alors qui commet la plus grande injustice? Est-ce que ça va lui être utile là? Ça nous montre que celui qui veut le khayr, il fait des efforts. Et les efforts, on répète, c'est pas le qil ou le qal. Tawhid, c'est pas une étiquette. Tawhid, c'est un ilm. C'est une aqida dans le cœur, c'est une parole avec la langue, et c'est des actes. C'est ça le tawhid. La ilaha illallah, c'est, on a une aqidah, cette kalima a une ma'na azima. La ma'bouda bi haqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. On doit la dire avec la langue. Et kadhalik, on doit adorer Allah seul, c'est ça le tawhid. Et pour pouvoir appliquer ce tawhid, et appeler à ce tawhid, et s'écarter du shirk, et mettre en garde contre le shirk, il faut apprendre. Il n'y a pas de secret. Il faut apprendre. Les ulama, walillahi alhamd, ils ont facilité la tâche. Vous avez remarqué que la plupart des livres de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, c'est fi tawhid. Et mise en garde, kadhalik, ces livres contre al-shirk billah azza wa jalla. Celui qui suit l'ordre, il commence maintenant par l'usul al-salasa, c'est très très simple, les trois fondements. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, ça te donnera des bases très très simples. Thumma al-qa'id al-arba', quatre règles fi tawhid. La différence entre Tawhid al-Anbiya ou al-Mursalin et Tawhid al-Mushrikin. Des règles tayyibah. Et vous verrez que Cheikh al-Islam va en parler dans cette risale. Kazira. Thumma. Kitab al-Tawhid. Un livre très très simple qu'on a étudié ensemble. Wallahi alhamd. Kazalik Nawaqid al-Islam. Pour montrer les choses qui annulent ce Tawhid. Et ce livre, Kashf al-Shubuhat. Pas celui qui fait ces 4 ou 5 rasa'il qu'on a cités. Il sera à la khir azim fi hada al-bab. Thumma si il étudie ba'da dhalik Fathu al-Majid Sharh Kitab Tawhid, c'est une référence azim fi tawhid. Hada celui qui aura atteint ce niveau, fa inshallah il sera à la khir. Amma la ilm wa la hifz. C'est pour ça qu'on conseille les ikhwa d'apprendre par cœur. Pas tous ces livres. Là, apprends par cœur Kitab Tawhid. Kitab Tawhid, il a cité les adillah, la plupart des preuves sur Tawhid et les mises en garde contre Shirk. Enfin, si tu les apprends et tu as étudié ces livres et tu as compris, tu seras à la khir azim fi Tawhid. Thumma, tu te concentres wa taqra fi kutub al-a'imma ka ad-durr as-saniyya ulama Najd, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab et ses élèves, sa descendance. L'ulama, ils ont rassemblé toutes leurs paroles dans cette encyclopédie ad-durr as-saniyya. Après avoir fait cette étude, tu auras la capacité. Thumma, tu vas augmenter ton ilm avec la lecture de toutes ces fatawas, ces rasa'il. Thumma, taqra kutub, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, et kutub al-Imam Ibn al-Qayyim. Ha'oula, c'est deux a'imma, Cheikh al-Islam et son élève, Cheikh al-Islam. Mujaddidoun, ils ont combattu le shirk et ils ont propagé hada tawhid al-azim. Avec ce programme, avec tous ces efforts, bi'idhnillahi azza wa jalla, tu comprendras din ar-rusul. Et en parallèle, ihdhar min du'at ad-dhalal. Comme l'an min an-nas, surtout à notre époque avec internet et l'akhirah, beaucoup de gens ils font da'wa. Au bout d'un moment, tu trouves sinin et pas une kalima fi tawhidillahi azza wa jalla. Sinin et pas une mise en garde contre ash-shirk. وبعضهم يفيه مع المشركين إيه لا يحذر من الشرك لماذا؟ لأن هؤلاء يستمطع على دعوة الأنبياء والمرسلين بل بعضهم الآن يسون كلير أنهم سيد الدعاة إلى الديمقراطية للدعاة زمام دون ريبوبليك إلى آخر عيدا بالله دعاة على أبواب جهنم فستجب بخزر بطنين كلام العلماء إلي واضح إلي très simple ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. قال لابد أن نبدأ بإنكار الشرك أولا ونخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية ونبين لهم الحجة والبرهان وبالجهاد في سبيل الله إذا أمكن ذلك حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين كل بحسب استطاعته ومقدرته نعم أي قدرته في كل مكان وزمان chacun selon ses capacités. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous comme Cheikh al-Islam. Là, il faut Allah, il est wasi'. Lakin, on fait des efforts. Et chacun, selon sa capacité. Certains, ça sera une da'wa qui sera beaucoup propagée. D'autres, ça sera envers leur famille. D'autres, ça sera dans leur quartier. Alhamdulillah, le khayr hasil. Wal mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyam. Chacun de nous, il sera avec ceux qu'il aime yawm al-qiyam. Celui qui aime cette da'wa, il aime tawhid, il déteste shirk, il fait des efforts à son niveau. يوم القيامة يسير avec هؤلاء avec الأنبياء والرسل والأئمة qui ont appelé à ce توحيد. قال يجب على الدعاة أن لا يغفل عن هذا الأمر ويهتم بأمور أخرى ويبدل جهودهم فيها ولا يغط نعم ولا يغط أعينهم عن واقع الناس الواقعين في الشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الخرافيين وطواغيت الصوفية على عقول الناس. هؤلاء فهمتهم قاعدون كلهم بقدر استطاعته. فالصوفية في بوكود ما لا أم بوكود ما. Et ce groupe il arrange beaucoup Al-Kafar. نعم Al-Kafar il profite beaucoup de ce groupe. عيادا بالله. قال هذا أمر لا يجوز السكوت عليه وكل دعوة لا تتجه النهي عنه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير صالحة أو دعوة غير مثمرة. Chaque da'wa qui n'est pas fondée sur le tawhid, qui n'est pas fondée sur l'étude de tawhid et la mise en garde contre le shirk, c'est une da'wa qui n'est pas saliha. Même s'ils sont nombreux, même s'ils sont éloquents, même s'ils ont des moyens, même s'ils ont des marakez, même s'ils ont des centres, des masajid, même s'ils ont des beaucoup de suiveurs sur les réseaux sociaux, i'lam anna une da'wa qui n'est pas fondée sur le tawhid, c'est une da'wa batila. Naqisa, khasira. واعلم ان السلوك qui appelle au tawhid, même s'il est seul, même s'il n'a pas de masjid, même s'ils font des doros madri, même s'ils n'ont pas de suiveurs sur les réseaux sociaux, même si les gens ils pensent qu'ils n'ont aucun poids, فعند الله سبحانه وتعالى ils seront à la khair. وتقدم معنا في كتاب التوحيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم il a informé ان يوم القيامة il a vu أو نعم إلى أنفرمي أن يوم القيامة يقع نبي ومعه الرجل والرجلة النبي يقع إلى أسفيفر أو دو pourtant c'est un نبي c'est من دعاة التوحيد chaque نبي on a dit c'est un داعي من دعاة التوحيد et là il y aura un نبي وليس معه أحد un نبي que personne n'a suivi est-ce qu'il a appelé au توحيد لا شك est-ce qu'il était à la حق لا شك c'est un نبي c'était un prophète هذا قال هذا أمر تقدم كما أنه يجب أن يعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي ولا ينفع إلا إذا كان معه الإقرار بتوحيد الألوهية وتحقيقه قولا وعملا واعتقادا هذا كنا سيتي أنصر أن التوحيد يفو الحقق وتقدم معنا هذا في كتاب التوحيد تحقيق التوحيد كيف حقق هذا التوحيد Et c'est bil qawl, c'est avec la langue, c'est avec le cœur et c'est avec les mains. C'est pas une étiquette à tawhid. Là. Wa huna kadhalik Cheikh Bouzan il a fait un tambih pour conclure anna yarhamukallah anna parmi les choses qu'on doit comprendre et c'est les bases, c'est pour ça que Cheikh al-Islam rahimahullah il a cité la première règle fil qawid al-arba' la différence entre tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya. Ne pas croire que hadha tawhid al-azim c'est le fait de reconnaître Allah comme créateur. C'est une obligation. C'est min al-iman billah. Lakin, il faut l'adorer seul. Ou il a une simple reconnaissance. Enfin, cette reconnaissance, elle n'a pas été utile à Iblis. Iblis, il a reconnu que c'est Allah qui l'a créé et il n'a pas été guidé. Et Kuffar Quraysh kadhalik. Ils ont reconnu que c'est Allah qui crée les cieux et la terre et l'akhirah. Ça ne les a pas sauvés. Ça nous montre un hada tawhid. Et c'est l'étude qu'on fera ensemble de cette risala et qu'on a faite, walillahi alhamd, dans Kitab al-Tawhid, c'est adorer Allah Azza wa Jal seul. قال وأن المشركين الذين بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم إقرارهم به لما كانوا جاحدين لتوحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ils diront Allah si tu leur demandes qui c'est qui les a créés ils diront Allah Kuffar Quraysh ils ont jamais prétendu que leurs idoles c'était des créateurs أبدا ça montre أن التوحيد المطلوب c'est d'adorer Allah سبحانه وتعالى seul كذلك on fait attention à une شبهة on en a déjà parlé et لعل ça viendra avec nous dans ce kitab ne pas croire أن الشرك ça n'existe plus عيادا بالله البعض pense que خلاص لا on est tous des musulmans il n'y a plus de shirk dans la communauté et عيادا بالله ça a été loin حتى الآن il y a une pensée أن حتى اليهود والنصارى c'est pas des mushrikoun c'est des croyants tu peux pas dire c'est des kuffar ou des mushrikoun qui iront في النار عيادا بالله pourquoi ils ont pensé qu'il n'y avait plus de shirk au départ dans la umma ثم ils ont pensé que même les autres عيادا بالله لا الشرك اللي بخزان دون ست أمة فضلا اليهود والنصارى. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.